Issa Diawara, je vous retrouve donc. L'Afrique du Sud semble être à la croisée des chemins, on va le dire comme ça, avec toutes ces interrogations qui entourent le mandat d'arrêt émis contre le président Vladimir Poutine, entre perdre les avantages que lui offrent les États-Unis, avantages économiques bien sûr, les États-Unis et l'Union européenne, et perdre sa position privilégiée dans ce nouveau monde qui se construit. D'après vous, Issa Diawara, pour sortir de cette première thématique, sur quel pied doit danser Pretoria pour se sortir de cette situation confuse? Vous parlez, quand on parle de l'Afrique du Sud, vous parlez d'un pays qui est en tout cas une puissance émergente. Vous parlez d'un pays qui fait partie des BRICS. Et quand vous parlez de l'Afrique du Sud, vous parlez du seul État africain qui a détenu par le passé des armes nucléaires. Ça, c'est très bien de préciser cela. Donc, qui pouvait être dans ce qu'on appelle la DMA. DMA, c'est la destruction mutuelle assurée. Et le cercle très restreint des pays qui possèdent bien sûr des armes nucléaires. Donc l'Afrique du Sud, tout ça, cette histoire, c'est pour vous dire qu'il s'agit d'un État souverain ici, il s'agit d'un État puissant, il s'agit d'un État, bien qu'il soit ici, aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus puissant que certains États européens. Le Portugal, la Grèce sont des États européens qui ne tiennent pas l'Afrique du Sud à la cheville. Donc il s'agit d'un pays en réalité qui atteint une certaine autosuffisance. Donc je ne crois pas qu'il ait une place auprès, bien sûr, des Occidentaux qui puissent permettre à l'Afrique du Sud de se sentir bien ou mal. Et d'ailleurs, le seul fait de s'éloigner des Occidentaux, c'est du profit. Et ça fait longtemps que l'Afrique du Sud est membre des BRICS. Parce que BRICS, la définition, vous le savez, B c'est Brésil, R c'est Russie, I c'est l'Inde, C, bien sûr, c'est la Chine, et puis S c'est Sud-Africa, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ça fait longtemps que l'Afrique du Sud, c'est des 10 ans que l'Afrique du Sud est membre des BRICS. Donc à peu près une décennie, durant tout cela, si les Occidentaux pouvaient faire quelque chose sur l'Afrique du Sud, ils n'allaient pas hésiter une seule seconde. Et c'est pas la première fois que l'Afrique du Sud reçoit un chef d'État sous mandat d'arrêt international. N'oubliez pas qu'il avait déjà réussi, bien sûr, le président soudanais, Omar El-Béchir, qui a un État à la tête d'un État beaucoup plus moins puissant que la Russie aujourd'hui, qui est un État qui peut contribuer à faire basculer, bien sûr, l'ordre mondial. Et c'est ce volet que la Russie a sur le plan militaire. Et le volet économique de l'ordre mondial est piloté, bien sûr, par la Chine pour basculer ce nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle l'hégémonie américaine, et donner une chance à chaque État de pouvoir, en tout cas, montrer ses potentialités. Et la meilleure façon d'arriver, c'est de procéder, c'est de soutenir ce processus qui est en cours, c'est de soutenir les BRICS, et parce que c'est dans ça peut-être que nous autres on peut trouver notre salut. On dit qu'Abrumor n'a pas peur de couteau, ça c'est très clair, c'est Abamaro le dit, Bachuté sera mourir, un cabri qui est déjà mort, de quel couteau il a avoir peur? Rien. Nous autres Africains, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu? Nous autres peuples du monde, qu'est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas connu? Tous les autres peuples ont connu pire de la part des Occidentaux, déportation, génocide, massacre, rébellion, coup d'État, partage du monde, quoi, conférence de Berlin 1885. On a tout connu de la part des Occidentaux. Ils ne peuvent rien nous montrer que nous n'avons jamais vu. Ils ont même utilisé des armes atomiques contre certains peuples, notamment les Japon. Donc ils sont des essais nucléaires dans des pays entiers. On a vu la France essayer ses armes nucléaires du côté de l'Algérie. On a vu les États-Unis parachuter en une année plus de bombes que durant la Seconde Guerre mondiale et durant toutes les villes européennes et pendant la Seconde Guerre mondiale sur le Vietnam. Mais c'est inhumain. On a vu les États-Unis utiliser des armes à phosphore blanc au niveau de l'Irak et utiliser des armes chimiques et même et de l'uranium, ce qu'on appelle enrichi, un peu, voilà, pas très enrichi là, et pour vraiment enrichi. Ils ont utilisé toutes les sortes d'armes qui existent contre les autres peuples du monde. Mais malgré cela, le monde entier est debout. Ils ont dit qu'ils veulent aller à l'espace, trouver, découvrir un endroit là-bas, partir dans l'espace et après ils allaient bombarder la Russie et nous autres, l'Afrique ici, tout le monde. Mais là-bas, ils ne parviennent pas à trouver un endroit. Ils ont vu une planète là-bas qui s'appelle Mars. Les autres planètes, ils ne peuvent pas l'habiter. Sinon, ils vont tous crever là-bas. de raison pour laquelle ils sont obligés d'être là. Et nous, puisqu'ils sont là, et nous les connaissons déjà, nous connaissons qui sont. Donc, il est très normal qu'aujourd'hui, tous les autres peuples du monde, la petite souris que je viens, historique que je viens de faire, il est très normal que les autres peuples du monde se retrouvent, se donnent la main pour dégager les satans qui est là. Parce que longtemps, l'Iran de ce côté, l'Arabie Saoudite de son côté, le Mali de son côté, un autre pays de l'autre côté, la Russie de son côté, la Chine de l'autre côté, mais pourtant, tous ces pays ont à commettre les mêmes ennemis. Donc, il est très normal qu'on se donne la main. Poutine ira en Afrique d'ici tranquillement et il va se retourner tranquillement. Celui qui est garçon, il peut le rejoindre en Afrique d'ici. Celui qui est sûr de lui-même. Biden sait que si ce n'est pas par métier interposé, il ne peut même pas faire le poids face à Poutine. Lui, ce vieux façon-là, pourri façon-là, il ne peut jamais même regarder Poutine dans les yeux et dire qu'il ne connaît rien. Macron n'en parle pas. Lui qui est dans l'autre monde-là, je ne sais pas, des homosexuels. Il n'y a qu'un chef d'État en Occident qui même physiquement ou intellectuellement peut faire face à Poutine. Mais dans leur ensemble, l'Occident tout uni, il est en train de les malmener sur le terrain et des sanctions sur le terrain militaire, sur tous les terrains. Mais ce n'est pas son voyage en Afrique du Sud qui va intimider. Là où des chefs d'État, où Biden a échoué, où Obama a échoué, où Donald Trump a échoué, là où David Cameron de l'Angleterre a échoué, là où Hollande, Sarkozy, Macron ont tous échoué, c'est là-bas que quelques juges de la CPI peuvent réussir. Vous êtes sérieux dans ça? Non. Dites-vous, c'est juste une communication. On ne va même pas continuer à faire la communication de la CPI. Et je vous remercie de dire qu'en réalité, nous sommes en train de sortir de cette thématique. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.